anéantie par une putain de bas étage, par une blonde aux cheveux noirs qui m'a souri, que j'ai suivi au petit jour, qui s'est scotché à ma mémoire, si pied d'amour, je voudrais mourir. Là, comme un con, petit garçon sur le trottoir, hurler ton nom au désespoir, c'est pathétique. Qui aurait cru que le brigand, que le bandit de grand chemin, que le tigre sans cœur soit la brebis anéantie. Par un agneau au temps de l'eau, par une reine sans dessous, une éclaircie qui cachait tellement bien l'orage, qui avait promis le grand voyage, puis qui est parti là dans la nuit. Je suis comme un con, sans horizon sur un trottoir, petit garçon au désespoir. C'est triste de finir en tigre qui pleure, de finir en aigle sans ailes, en tourtereau sans tourterelle. Anéanti par une blonde aux cheveux noirs, une aurore qui n'était que soir de pluie, qui déploya l'armée des ombres, quand dans mes yeux, moi j'ai vu sombre, moi j'ai vu fondre, oui, des mers infinies. J'ai tout perdu, la bataille, mais aussi la guerre, qu'elle a bouffé dans son trou noir, mes galaxies. C'est la débâcle à l'univers, y'a trop de rides sous mes paupières, y'a tant de tristes qu'on dirait la Russie. Putains sont des anges, et les anges des putains. Mes larmes vont aux fleuves, et les fleuves à la mer. Tu laisses le cœur en laisse, comme on laisse celui qu'un jour on crut amour, qu'un jour on crut toujours, puis qu'un jour on croit plus, puis qu'un jour on oublie.